quel est le point commun entre le calamar géant, l'ornithorynque, le kraken, le yeti, le sélacanthe, l'okapi, le monstre du Loch Ness et la bête du Gévaudan? Eh bien, tous ces animaux réels ou imaginaires relèvent ou ont relevé du domaine de la cryptozoologie. Et en cette journée d'Halloween, il nous a semblé juste et bon d'examiner le sort fait par la science à ces bêtes légendaires qui parfois sont belles et bien réelles. Que le monstre du Loch Ness peut apprendre à la science, c'est l'énoncé très monstrueux du problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Écrit et qui mieux pour parler de cryptozoologie que de cryptozoologues. Bonjour Benoît Grison. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences cognitives, biologiste et sociologue des sciences. Vous publiez le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie du Yeti au calamar géant aux éditions Delachaux et Niestlé. Nous sommes également avec Éric Buffeteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue, directeur de recherche émérite au laboratoire de géologie de l'École normale supérieure. Vous publiez à la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie, qui paraîtra à la fin de la semaine, vendredi très précisément, aux éditions du Cavalier Bleu. Alors voilà, je vous définis, hein, biologiste, paléontologue, ça veut dire qu'on ne dit pas cryptozoologue, Benoît Grison? Bon, la cryptozoologie reste une parascience, c'est-à-dire que si on veut s'en occuper sérieusement, il faut traiter les problèmes cryptozoologiques à l'interface de disciplines existantes, qui suffisent à traiter ces problèmes. Ça peut être de la biologie, de la paléontologie, de la sociologie, voire même de la psychologie, du folklore, etc., de l'anthropologie culturelle. Donc pas de crypto. Vous n'êtes pas, c'est abusif de vous définir comme cryptozoologue, Éric Buffeteau. Ah oui, tout à fait. Bon, c'est pas une discipline reconnue par le CNRS, si vous voulez, pour caricaturer un peu la situation. Non, les cryptozoologues, il y a un spectre énorme, hein, dans les cryptozoologues, entre des gens, comme Benoît et moi, qui sommes des scientifiques professionnels et que ça intéresse, ce genre de questions. Et puis aussi, un grand nombre d'amateurs, je dirais, entre guillemets, sans que ça soit forcément péjoratif, qui s'intéressent à cette question avec plus ou moins de bonheur, je dirais, ou plus ou moins de rigueur, plus exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette cryptozoologie? Comment est-ce qu'on la définit, si c'est une parascience? Quelle science? On a entendu un Benoît Grison dire qu'elle en recoupait plusieurs. Qu'est-ce que c'est exactement, Éric Buffeteau? La définition qui en a été donnée, enfin l'étymologie pour être plus précis, c'est la science des animaux cachés. C'est ainsi qu'elle a été définie par son fondateur, même s'il n'a pas été le premier à en faire, hein, qui était Bernard Euvelmans, qui est né il y a tout juste 100 ans, hein, qui était un zoologue belge. Et donc c'est une approche, peut-être plutôt qu'une science, qui essaie de découvrir ou de comprendre ce que peuvent être des animaux qui sont encore ignorés de la science, mais sur lesquels il y a des rumeurs, des témoignages, parfois des indices tangibles aussi, mais qui ne sont pas encore acceptés par la science zoologique. C'est-à-dire que, Benoît Grison, en gros, oui, ces animaux cachés sont des animaux dont on trouve des traces, des signes culturels, oui, culturalistes. Il y a des données lacunaires, fragmentaires, qui peuvent aller de la zoologie, de la pièce anatomique, de la biologie, mais problématique des empreintes, et puis, bien entendu, des traces culturelles, ce qui ne veut pas dire forcément de la pure mythologie. Ça peut être des ethnosavoirs. Les gens disent « si, cet animal fait partie de notre faune et nous le connaissons depuis longtemps ». Bon. Et le problème, c'est d'approprier ces données fragmentaires et puis ces données culturelles qui ne sont pas des données de sciences dures pour essayer de voir la vraisemblance zoologique de ces animaux-là. Voilà. Vous dites dans votre livre, Benoît Grison, que ce qui vous intéresse en fait, c'est l'anthropologie cognitive. Alors qu'est-ce que l'anthropologie cognitive a à voir avec la cryptozoologie? En fait, l'anthropologie cognitive s'intéresse aux savoirs, aux ethnosavoirs qu'ont les gens, notamment les populations dites traditionnelles, sur leur environnement. Hein, il y a des gens, par exemple, qui en anthropologie cognitive s'intéressent à la connaissance des minerais dans certaines populations anciennes, c'est de l'ethnominéralogie. D'autres s'intéressent à l'ethnobotanique, d'autres s'intéressent à l'ethnozoologie. Et la thèse que je défends dans le livre, c'est que finalement la cryptozoologie est une partie de l'ethnozoologie quelque part. Parce que Dans l'ethnozoologie, il peut y avoir des animaux qui relèvent de l'imaginaire de confusion ou de souvenirs traditionnels d'animaux qui sont raréfiés et qui ont disparu, mais il y a aussi des connaissances tangibles, sérieuses, sur la biodiversité locale. Le tout, c'est d'approprier tout ça dans le cadre de la science occidentale avec les critères d'objectivité de la science occidentale. Donc finalement, la cryptozoologie, comme partie de l'ethnozoologie, ça se défend. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, finalement, c'est que vous naviguez entre deux pôles qui semblent pourtant relativement éloignés. D'une part, effectivement, des écosystèmes préservés dont certains peuples ou certaines populations locales vous disent « mais si, ça existe bien ». Et de l'autre côté, des monstres légendaires qui ont parcouru l'histoire de la littérature ou des mythologies locales. Eric Buffetaud, c'est deux caribes des Scylla très très lointaines l'une de l'autre. Oui, parce que quand on passe en revue les créatures mystérieuses qui sont l'objet de la cryptozoologie, on voit assez bien qu'il y en a certaines qui peuvent avoir une réalité tangible, d'autres qui sont beaucoup plus proches du mythe, et que entre les deux il y a des nuances, et qu'il est souvent difficile de faire la part des choses. C'est bien le problème général de la cryptozoologie, d'abord, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit prendre au sérieux, si on peut dire, au sujet de ces êtres. Quand je dis au sérieux, je veux dire qu'est-ce qui est du zoologique là-dedans, voilà. et qu'est-ce qui n'en est pas. Qu'est-ce qui est du folklore? Oui. Du culturel. Ou du culturel, oui. Oui, voilà, on pourrait dire en marchant vite, mais on reviendra, on a le temps de revenir tous les deux et tous les trois même dans les détails de la cryptozoologie. La cryptozoologie s'occupe d'animaux mythifiés. Mais mythifiés, ça peut vouloir dire qu'on est vraiment dans l'imaginaire, la légende ou l'accrétion de plusieurs animaux réels qui donnent à l'animal mythique, hein, tel que le dragon chinois qui s'est beaucoup nourri de l'alligator, tel que le dragon occidental qui s'est beaucoup nourri du python, hein, des rumeurs sur le python qui survivent encore en Afrique du Nord, dans des zones préservées dans l'Antiquité. Alors à ce moment-là, on est dans la créature imaginaire qui s'est nourrie de réalités zoologiques, elle a recomposé. Et puis parfois, il y a des animaux réels qui sont mythifiés parce qu'ils ont une allure pas possible ou qu'ils ont disparu récemment. Alors une allure pas possible, ou si tu es là en ornithorynque, il y a aussi ces petits lézards à membrane alaire du sud-est asiatique, de la région indomalaise, qu'on a nommé. D'un point de vue non linéaire, dracovolans, qui ont des membranes qui leur permettent de vaguement planer. Littéralement des dragons volants, donc. Voilà, et c'est les premières descriptions de voyageurs et de marchands hollandais au XVIIe siècle. Les gens disaient c'est complètement n'importe quoi. Bon. En réalité, non, l'animal existait. Donc voilà, c'est pas toujours si simple, comme le disait très bien Eric, de faire la part de ce qui serait purement mythique et ce qui serait purement zoologique. Et ce qui est intéressant dans votre démarche à vous deux, ou dans la démarche de cryptozoologie scientifique, c'est que elle consiste aussi beaucoup, vous parliez d'ethnozoologie tout à l'heure, Benoît Grison, en un traitement scientifique de savoirs qui sont des savoirs populaires. Eric Buffetaud. Oui, la grande difficulté, évidemment, de la cryptozoologie, c'est d'avoir une attitude scientifique vis-à-vis de témoignages, de documents, d'indices qui se prêtent facilement à justement une interprétation que pas très scientifique. Et c'est un peu le drame de la cryptozoologie, c'est que se sont emparés de ces dossiers un certain nombre de gens qui n'ont pas du tout une approche scientifique, et ce qui nuit énormément à la crédibilité de la cryptozoologie. Ce qui fait qu'elle a plutôt mauvaise réputation dans pas mal de cercles scientifiques, il faut l'admettre. Ce qui est intéressant, Eric Buffetaud, c'est que dans votre parcours à vous, vous êtes paléontologue, vous vous êtes spécialisé dans les fossiles de grands animaux, vous avez donc mis au jour parfois des restes d'animaux qu'on pourrait presque qualifier d'animaux mythologiques. Donc vous-même, vous avez tiré la paléontologie vers quelque chose avec une dimension comme ça un peu... folklorique, on pourrait dire. Je dirais que facilement, les découvertes paléontologiques font fonctionner l'imagination, et surtout, comme vous le dites, de grands animaux, et dinosaures évidemment, et d'autres. Siamo-Tyrannus, par exemple. Siamo-Tyrannus, c'est un dinosaure qui vient de Thaïlande, du Siam, que j'ai contribué à faire connaître. Et c'est certain que ce genre de... les découvertes paléontologiques en général... quand elles sont relativement spectaculaires, le public s'en empare facilement, et rapidement, il peut se créer autour des découvertes paléontologiques tout un édifice qui n'est pas forcément très scientifique. Et puis un deuxième aspect, c'est que les cryptozoologues, ou ceux qui s'intéressent à cette question, sont souvent tentés, pour expliquer un animal inconnu, d'aller chercher une explication paléontologique, en disant c'est peut-être ou probablement un survivant survivante d'une espèce que l'on connaît à l'état fossile, ou d'un groupe que l'on connaît à l'état fossile, et qui aurait survécu jusqu'à nos jours, alors que ça n'était pas connu des milieux scientifiques. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ça me fait penser, il faut que je le retrouve, à l'épigraphe de votre livre, Benoît Grison, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est ça. Une certaine rigueur scientifique dans le traitement des faits n'exclut pas nécessairement le pittoresque. Vous voilà. Pouvez-vous dire de qui provient cette citation ? C'est Alexandre von Humboldt, qui est quand même un des créateurs de la géographie physique, et surtout, je dirais, ce qu'on appelle la phytogéographie, hein, la répartition dans les écosystèmes des végétaux, etc., leur répartition biogéographique. Et c'est un des premiers dans la continuité de l'épistémologie de la science des Lumières à s'intéresser au savoir naturaliste populaire, notamment quand il voyage bien sûr du côté du delta de l'Orénoque, hein, en Amazonie. Bon. Et en même temps, c'est pour ça que je l'ai cité aussi, parce que moi c'est une figure importante, c'est le premier aussi à, après avoir examiné certaines connaissances traditionnelles, elle est déboutée. Par exemple, il entend parler de l'homme sauvage, un saint soi-disant mystérieux en Amazonie. Il y a de fortes chances que ça soit le petit ours à lunettes, très Marktos. Et il a raison, j'analyse ça dans mon livre. Encore aujourd'hui, il y a des rumeurs d'hommes sauvages dans les zones de répartition de cet ours-là. C'est un ours à museau court. Hein, c'est un sous-groupe des ours qui fait très anthropomorphe, parce que bon, il a la bipédie relativement facile, bien que temporaire, mais ça comme beaucoup d'ours, mais ce visage plus plat entretient l'idée, bien entendu, qu'il s'agit d'un homme sauvage, d'un parent de l'homme, etc. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que Humboldt, il est premier à dire, prenons en compte les savoirs populaires, il peut y avoir des découvertes botaniques ou zoologiques intéressantes liées à ceci, mais analysons-les rationnellement avec toute la distance nécessaire, avec les outils de la science. Et on est donc, au milieu du 19e siècle. Ce qui est intéressant dans ce que vous venez de soulever, Benoît Grison, c'est que l'une des parties du travail, de la méthode de la cryptozoologie, c'est aussi de réfuter. Oui, bien sûr. Du moins, la cryptozoologie rationnelle, celle des naturalistes, telle qu'on la conçoit, Eric et moi et quelques autres, c'est ça. C'est essayer d'examiner avec les outils dont on dispose ces données et éventuellement de les réfuter. Il faut déjà que les témoignages soient cohérents entre eux. Et dans l'espace et dans le temps, il faut qu'il soit congruent avec ce qu'on sait de l'écologie, de la biologie, de la physiologie comparée, voire de la paléontologie. Après, on peut peut-être continuer à chercher. Mais dans certains cas, on s'aperçoit qu'il n'y avait que mythologie ou confusion. Non, mais c'est très très clair. Et quant à la fascination du fossile, je veux rebondir sur ce que disait notre ami Eric, je pense qu'elle est très très forte. Certes, les cryptozoologues, y compris un peu naïfs, peuvent se précipiter sur le fossile parce que ils vous diront que la plupart des espèces ayant jamais vécu ont disparu, c'est vrai. C'est un raisonnement qui est vrai en son début. Mais ensuite, ils ont tendance à faire rentrer au forceps des créatures pour les faire coller au portrait robot de fossiles qu'on connaît. Je pense par exemple au Yeti. Beaucoup ont voulu que ça soit le gigantopithèque, alors qu'en fait, si on prend au sérieux les descriptions du Yeti au sud de l'Himalaya, hein, parce qu'au Tibet, c'est clairement une confusion avec un ours, eh bien, la denture qui est décrite n'a rien à voir avec celle du gigantopithèque, qui avait une denture curieusement humanoïde pour des raisons de convergence anatomique, elle a tout de celle d'un orang-outan. Et donc à ce moment-là, persévérer et persister dans l'idée, comme certains cryptozoologues, que ça serait gigantopithèque, c'est simplement persister dans une fascination, mais pas scientifique. Bon, mais une fascination qui existe pour beaucoup d'organismes, y compris les dinosaures dont s'occupe beaucoup Eric, qui ont pris quand même la place des dragons dans notre culture, hein, bon, quelque part. Eric Buffetin. Oui, c'est certain que l'image du dragon, l'image traditionnelle du dragon a été un peu supplantée dans l'imaginaire par les dinosaures et a un peu déteint aussi sur les dinosaures qu'on a volontiers considérés comme des êtres monstrueux, ce qui n'était pas. Bon, c'était des animaux comme les autres, hein, même si certains étaient particulièrement grands, particulièrement étranges de notre point de vue. Alors, il est clair que depuis qu'on sait que des dinosaures ont existé, l'idée qu'ils puissent survivre de nos jours, eh bien, a fait le bonheur des romanciers. Je pense au Monde perdu de Conan Doyle, qui est le livre, le roman célèbre sur ce thème du dinosaure survivant à l'heure actuelle, et puis aussi des cryptozoologues qui se sont dit, ben, pourquoi est-ce que certaines créatures dont on nous parle dans des régions reculées, notamment en Afrique, ne seraient pas des dinosaures ? À ceci près que l'image des dinosaures à laquelle s'attachent encore certains cryptozoologues, c'est une image qui est extrêmement dépassée et auquel les paléontologues n'adhèrent plus aujourd'hui. Par exemple, quand on vous parle du Mokele Mbembe, qui est un animal mystérieux d'Afrique centrale, on en parlera dans un instant, qui serait très aquatique dans ses mœurs, eh bien, ça ne colle pas vraiment avec ce qu'on pense des dinosaures aujourd'hui. Oui, qui est une sorte de monstre géant un peu similaire à celui du Loch Ness. À quand remontent en fait les origines de cette discipline, Éric Buffetaud, les premières traces de... Quand est-ce qu'on commence à parler de cryptozoologie, par exemple ? Alors, le mot a commencé à être utilisé à la fin des années 1950. Sur son origine, il y a quelques discussions, mais enfin, celui qui l'a répandu, c'est Bernard Heuvelmans, dont je parlais tout à l'heure, qui en 1955 a publié un livre en deux volumes qui s'intitule « Sur la piste des bêtes ignorées », qui a eu un grand succès d'ailleurs d'édition à cette époque, et qui marque un peu les débuts de la cryptozoologie, même si, bien avant lui, d'autres scientifiques s'étaient intéressés à des questions qu'on qualifie aujourd'hui de cryptozoologiques. Mais le terme lui-même n'a pas été d'ailleurs utilisé dans ce livre par Heuvelmans. C'est assez paradoxal, il a été utilisé quelques années plus tard dans un livre d'un autre auteur, et ensuite il a connu un succès considérable, et maintenant il est utilisé très très largement. Mais je vous propose justement d'écouter la voix de Bernard Heuvelmans, ce zoologiste que l'on considère comme le père de la cryptozoologie. Écoutez ce qu'il dit dans cet archive sur l'un de ces sujets qui était un de ces sujets de prédilection. Nous sommes en 1980. L'homme des neiges, je parle du Yeti, donc du Népal, existe incontestablement. On a relevé de ces traces qui ne peuvent avoir été laissées par aucun animal connu. Ça, c'est une certitude absolue. J'ai moi-même fait analyser des excréments qui étaient attribués, je dis bien attribués, au Yeti, parce qu'ils avaient été trouvés sur la piste même, et on y a découvert des œufs de parasites inconnus. Or, tous les animaux, les mammifères entre autres, sont connus par la constellation de leurs parasites, qui est chaque fois spécifique. D'après les parasites qu'on trouve dans les excréments d'un animal, on peut déterminer l'espèce qui en est responsable. Or, ici, il s'agissait de parasites inconnus qui provenaient donc d'un animal inconnu. Notez qu'on n'a pas, on ne connaît pas les constellations de parasites de toutes les espèces, mais de beaucoup. Il y a une véritable encyclopédie soviétique sur ce sujet de 25 volumes. Voilà, Bernard Heuvelmans, le père de la cryptozoologie, qui dit donc, au début de cette archive, l'homme des neiges existe indubitablement, Benoît Grison. Oui, alors Heuvelmans, c'était une figure qu'on a connue, Eric et moi-même, oui, qui était quelqu'un de très très rationnel. On n'est pas obligé, le suit surtout, mais c'est un véritable scientifique. Et bien entendu, il y a des choses dont on peut se distancier dans nos livres respectifs, Eric, parce que le temps a fait son œuvre et que la science a avancé. Mais néanmoins, c'était quelqu'un d'extrêmement rationnel. Je ne le suivrai pas, par contre, sur cette affaire du Yeti avec la spécificité parasitaire, parce que d'abord, les parasites sont en général spécifiques, mais pas toujours si strictement spécifiques. Et puis deuxièmement, dans cette histoire-là, il s'agissait d'un parasite de ver rond reconnu à ses œufs. Il n'y a qu'un spécialiste qui l'a regardé. Et quand j'en ai discuté avec des spécialistes des nématodes, ils m'ont dit « il faut toujours faire des contre-expertises, c'est très difficile, on peut se tromper ». On peut se tromper. Donc, peut-être que si ce fameux ver avait été réanalysé, cet œuf de ver, en plus, par d'autres spécialistes, on serait pas arrivé à la conclusion d'un ver nématode inconnu dans les excréments. Mais de toute façon, ça montre bien la fragilité des inférences et déductions qu'on peut faire en cryptozoologie. Voyez, dire il y a des traces qui sont pas identifiées. Il y en a une paire, notamment relevée par un zoologiste américain, Cronin, qui est un spécialiste des mammifères himalayens et qui explique bien que c'est pas des traces d'ours, c'est pas des traces déformées parce qu'il les a relevées à 5h du matin avant que la neige fonde. Mais ce ne sont pas des preuves absolues. Et puis, en supposant que ce parasite aurait été confirmé comme inconnu par d'autres experts, c'est pas non plus une preuve absolue, comme il n'y a pas toujours une spécificité parfaite des parasites, de l'existence du Yéti. Donc vous voyez, parfois la cryptozoologie est très spéculative et c'est pas simple d'arriver à des certitudes. Le cryptozoologue doit toujours se contenter de preuves rares, de preuves discutables. On est toujours dans cette zone grise que vous définissez, Benoît Grison, et vous aussi d'ailleurs, Éric Buffetaut, dans vos livres. Il y a un peu un paradoxe dans la cryptozoologie, c'est que finalement, quand elle arrive, ou si elle arrive à son but, c'est-à-dire à identifier de façon formelle un être qui était jusque-là inconnu, eh bien, il sort du champ de la cryptozoologie. Il entre dans celui de la zoologie normale et classique. Oui. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. La cryptozoologie, c'est une approche, et vaguement ce que avait bien dit d'ailleurs quand il essayait de la définir, qui se nourrit d'indices, de témoignages, mais qui reste ambigu et qui propose à partir de ces documents une identification pour l'être mystérieux en question. Mais finalement, une fois qu'il est capturé, qu'on a un spécimen, eh bien là, on arrive dans la zoologie, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, ce serait quoi, par exemple, Benoît Grison, la méthode du crypto, la méthode scientifique, puisqu'on est dans une émission qui s'appelle la méthode scientifique du cryptozoologue. C'est un travail assez solitaire. C'est pas tellement un travail de terrain. C'est un travail. Alors, ça peut être un travail de terrain. Moi, j'ai enquêté à Terre-Neuve sur des gens qui disaient avoir vu un monstre marin, qui était sérieux, etc. Et là, c'est vraiment un travail ethnographique, moi je dirais. Hein. J'ai aussi interrogé des gens qui étaient convaincus de l'existence du Bigfoot dans l'état de Washington et j'ai pu voir à quel point la croyance était ancrée. Ça, c'est une chose. Mais enfin, le plus gros du travail, c'est, si j'ose dire, une méta-analyse. Vous rassemblez tout ce qui a été dit en termes de témoignages de première main sur la créature en question, tout ce qui aurait pu avoir comme indice anatomique ou biologique, pour arriver à soit une affirmation, soit une certaine probabilité d'existence. Et puis après, on tombe sur le paradoxe que décrivait Eric. C'est-à-dire que à partir du moment où ça marche, et ça a marché assez souvent, pas sur les créatures en purgatoire épistémologique, style Bigfoot, Yeti, etc., mais sur des petits dossiers, quand ça marche, il se crée une sorte d'amnésie. C'est un phénomène sociologique intéressant dans la communauté scientifique, parce que les gens continuent souvent à dire, quand ils ne s'intéressent pas parmi nos collègues cryptozoologie, la cryptozoologie, ça ne marche jamais. Et quand on leur dit, si, il y a eu ça, il y a eu ça, etc., ils disent, ah, mais ce n'est pas de la cryptozoologie. C'est de la zoologie. Pourquoi ? C'est puisque ça a été transformé en zoologie à l'issue du succès. Il y a quelques cas comme ça. Et vous avez aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est ce que vous disiez, Benoît Grison, la recherche d'observations convergentes, culturelles, folkloriques, ethnographiques et ethnozoologiques. Il y a parfois aussi le recueil de pièces anatomiques ou de ce qu'on appelle les productions biologiques, puisqu'on entendait tout à l'heure Bernard Avelmans parler des excréments du Yéti. Ces pièces qui sont souvent rares, et vous avez un autre ennemi, qui est un ennemi rare dans la communauté ou dans le travail scientifique, c'est le faux, le canular. Ah oui. La malveillance ou la volonté de créer ou de forger un mythe. Puisque je sais plus qui disait, je cite ça de mémoire, vous me rectifierez si je suis faux, je sais plus qui disait, après le whisky, le monstre du Loch Ness a été la meilleure carte de visite pour le tourisme en Écosse. Ce qui est tout à fait vrai. C'est pas faux. Oui. Ça c'est vrai. Non, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt. D'affaires au bord du Loch, oui. Ça, c'est vrai. Je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à faire fructifier un mythe tout en sachant qu'il est faux, c'est-à-dire à créer du faux pour vous induire et pour induire votre travail en erreur, Éric Buffetaut. Il y a sans doute d'ailleurs toutes sortes de motivations pour les faux qui ont lieu en cryptozoologie. Ça peut être dans un but matériel, effectivement, parce que ça pourra rapporter de l'argent, hein, bien sûr. Il y a des gens aux États-Unis qui périodiquement exhibent des faux cadavres de Bigfoot, qui ressemblent pas à grand-chose en réalité, mais bon, ça rapporte quelques dollars. Hein. Et puis il y a des gens qui font ça plutôt pour faire parler d'eux, hein, pour attirer l'attention. Il y a toutes sortes de motivations, et puis il y a aussi toutes sortes de fraudes, depuis des choses très grossières jusqu'à des choses un peu plus compliquées à révéler. Et c'est sûr que c'est un des problèmes de la cryptozoologie, et quelquefois ces fraudes se perpétuent, enfin, et durent extrêmement longtemps. Il y a l'histoire de la mère anthropoïdes qui était un supposé grand primate inconnu dont un spécimen aurait été abattu au Venezuela vers 1917-1918 et qui a traîné dans la littérature cryptozoologique pendant plusieurs décennies avant qu'on ne puisse montrer que c'était manifestement un canular. Un canular de quelle sorte ? Oh bien, c'est-à-dire que il y avait une photo. La seule chose qu'on avait comme document, c'était une photo qui montrait un singe, un cadavre de singe hein, assis sur une caisse et qui avait été tué par un géologue suisse dans les forêts du Venezuela. Et ensuite, c'est parti dans toute une histoire à cause d'un anthropologue suisse là aussi, qui s'appelait Georges Montandon, qui était un personnage plus que discutable. En fait, c'était un raciste qui a énormément collaboré avec les nazis pendant l'occupation allemande. Et qui avait une théorie à lui sur l'origine humaine, l'origine multiple de l'humanité, qui s'est saisi de ce primate supposé sud-américain pour soutenir ses idées. Mais en fin de compte, au début, c'était apparemment un canular tout simple fait par ce géologue suisse qui avait un singe qui est mort et qui s'est dit « tiens, je vais m'amuser un peu avec ça ». C'est un singe araignée dont il avait coupé l'appendice caudal. Bon, puis avec la décomposition, il est un peu humanisé. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est l'effet d'autorité. Quand un géologue, un anthropologue disent c'est vraisemblablement un grand singe inconnu, or on ne connaît pas théoriquement de grands singes en Amérique du Sud, eh bien, ça entraîne un certain enthousiasme. Il y a même eu des ouvrages savants qui l'ont cité longtemps, la mère anthropoïde. Mais quand vous avez par contre des gens fin fond de l'Amazonie qui font des descriptions très réalistes et répétées de tel ou tel mammifère, pendant longtemps on les croyait plutôt moins que ce genre de personnage. Si on fait abstraction du fait qu'en plus, Eric l'a rappelé, Montandon était un personnage quelque peu nauséabond idéologiquement, mais ça c'est autre chose. Non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement la valeur de la parole, enfin finalement la valeur anthropologique et ethnologique de la parole prononcée. Ce qui est aussi très intéressant dans la cryptozoologie, c'est que finalement, on parle de ces animaux rares, mais on parle aussi tout le temps de ces espaces rares. La cryptozoologie, c'est une zone qui arpente des endroits qui sont encore des endroits reculés où l'observation est donc difficile et ce qui entretient ces mythes ou en tout cas ces récits d'animaux observés difficilement dans la neige, dans la savane, dans la brousse. J'aime bien cette citation de Velmans qui disait « Logiquement, c'est dans les contrées les plus inaccessibles que l'on doit s'attendre à découvrir les êtres les plus extraordinaires, Benoît Grison. » Oui, alors il y a des gens, notamment le folkloriste Michel Murger qu'on connaît tous les deux, qui disent à propos de cette phrase « C'est la rhétorique de l'inaccessibilité, excusez-moi, parce que pourquoi rhétorique de l'inaccessibilité ? Parce que finalement, il dit Evelmans les place toujours dans des endroits inaccessibles. Alors ça, c'est un cercle vicieux épistémologique qu'on ne peut rompre qu'à travers l'analyse, parce que malgré tout, c'est quand même dans les endroits effectivement les moins faciles d'accès qu'on trouve encore des hotspots de biodiversité. Donc, ça peut servir rhétoriquement de dire ils sont forcément dans des endroits inaccessibles, mais ça peut correspondre aussi à une réalité. Bon, on le voit bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée, des sites très très difficiles d'accès, où en ce moment on trouve des dizaines et des dizaines d'espèces de vertébrés dits supérieurs, oiseaux et mammifères. Éric Buffetot. Cela dit, le monstre du Loch Ness, par exemple, est dans une des régions les plus touristiques de la Grande-Bretagne. Hein. Et puis on pourrait citer aussi d'autres cas, comme le Tadzogwurm, qui est une espèce de reptile bizarre qui vivrait dans les Alpes, hein, dans les Alpes autrichiennes, bavaroises, c'est pas le fin fond de l'Afrique centrale ou de l'Amazonie. Donc parfois, il y a aussi des mystères cryptozoologiques qui surgissent dans des endroits qui ne sont pas si exotiques que ça. On ne sait pas la majorité, mais il y en a quand même. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en explorant ces espaces, comme vous le disiez, Benoît Grison, de biodiversité, il y a un lien qui s'établit entre la cryptozoologie et une certaine notion d'espèces menacées, d'espèces rares, repoussées aux confins de ces territoires et donc de difficilement observables, parce que là, on parle du Loch Ness, du Yeti, mais on peut parler, parlons donc de ces animaux qui vous ont échappé. Au premier rang desquels, je ne sais pas, le calamar géant, tiens, allons-y, Benoît Grison, le calamar géant, oui, alors ça... Milieu du 19e siècle. C'est ça, c'est un animal qui est décrit scientifiquement en 1853, quand un beau spécimen s'échoue sur une plage du Danemark, et Steenstrup, qui est un malacologue, comme on dit, un spécialiste des mollusques, l'étudie, et établit enfin que oui, le calamar géant existe, parce que c'était vraiment un objet de controverse depuis les années 1800 dans la communauté des naturalistes. Bon, et il est clair que ce calamar géant qui a nourri le mythe du Kraken, c'est pas la seule origine, était difficilement crédible pour les savants de l'époque, parce qu'il peut quand même atteindre 17 mètres de long de la pointe du manteau au plus long tentacule. Il a un œil qui a quand même le diamètre d'un ballon de basket, hein, pour les plus grands spécimens. Bon, Ça, du coup, ça enfiévrait l'imagination des marins qui croisaient des spécimens agonisant à la surface, parce que comme c'est des animaux de grande profondeur, pas abyssaux, mais bathypélagiques, aux limites des abysses. On est encore dans des zones difficilement explorables. Voilà, et du coup, quand ils font surface, eh bien, ils font surface, mais très malades. Et donc, bien sûr, ils ne menacent pas les bateaux, contrairement à ce que disait la mythologie scandinave qui parlait du kraken qui coulait le bateau. Mais n'empêche, ils sont très impressionnants. Et les gens rapportant certaines observations parcellaires aux naturalistes, les gens de mer n'étaient pas crus. Il a fallu attendre 1853 pour que le calmar géant sorte du mythe. Et puis sa biologie encore très très mal connue, notamment sa reproduction. C'est la première fois qu'il apparaît, qu'il est filmé vivant, date il y a quoi ? Il y a 2 ans, 3 ans, Éric Bucheteau à peine ? Oui, c'est assez récent, je ne sais plus la date exacte, mais c'est il y a quelques années. 2012, c'est tout récent. Et là aussi, c'est aussi la cryptozoologie qui a marché. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Kubodera, le malacologue japonais spécialiste du calmar géant, s'est dit il y en a assez des coups d'épée dans l'eau, c'est-à-dire d'envoyer des soucoupes plongeantes dans des endroits où on sait qu'il y a des calmars géants, puis on ne les voit jamais. Bon, donc il a fait une chose très simple, c'est qu'il a fait une campagne auprès des pêcheurs japonais dans les zones où on savait que dans les profondeurs il y avait des calmars géants, en leur demandant est-ce qu'il vous arrive d'avoir des spécimens échoués ou de voir des fragments anatomiques style bras, etc. Et alors décomposés, et peu à peu il a resserré une toute petite zone, et c'est là qu'il a fait sa campagne, et il a réussi à le filmer. Et ça, c'est super intéressant, parce que précisément, une fois de plus, il s'est appuyé sur les ethnosavoirs, et il a resserré... C'est l'ethnosologie. Voilà, exactement. Et alors, c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il a réussi, parce que, alors là, c'est le stéréotype qu'on associe en Occident à la culture japonaise, la technologie, le financement important. Oui, bien sûr. Mais il a réussi aussi, parce qu'il a beaucoup de talent scientifique, parce que tous ses collègues, les Steve Oshie et quelques autres, Clyde Roper, l'Américain, eux n'avaient jamais pensé à utiliser ces données populaires et ces connaissances des pêcheurs. Donc ils y allaient à l'aveuglette. Voilà. Ce qui est intéressant, le calamar géant est un exemple évidemment très marquant. D'ailleurs, c'est l'illustration que vous avez choisie, Benoît Grison, ou votre éditeur, pour votre livre. On voit un bateau. Très belle illustration de Marc Boulet, ouais. Un bateau empêtré, enfin en tout cas il va se passer quelque chose de pas très très agréable avec des tentacules géants qui sortent de l'océan démonté. Mais on peut aussi parler de ces animaux qui vous ont échappé parce qu'ils ont rejoint les rangs de la zoologie, comme le sélacanthe ou le saola, qui là sont intéressants parce qu'on est face à des espèces qu'on croyait ou qu'on a découvertes éteintes ou en voie d'extinction. C'est-à-dire qu'on est aux limites de la zoologie et aux limites des espaces que l'on peut arpenter, Éric Bucheteau. Le sélacanthe, il ressort dans pratiquement tous les livres sur la cryptozoologie, bien que, à mon avis, il n'ait pas été découvert par une approche cryptozoologique. Il a été découvert par hasard, parce qu'un chalutier sud-africain, on a remonté un dans ses filets en 1938 et qu'ensuite le spécimen a été correctement identifié comme appartenant à un groupe de poissons qu'on croyait éteint depuis le Crétacé. Mais il a eu le mérite, si on peut dire, ce sélacanthe, de montrer qu'effectivement il y avait encore des espèces animales très spectaculaires et très inattendues et appartenant parfois à des groupes qu'on croyait disparus qui existaient encore. Et c'est pourquoi les cryptozoologues le revendiquent volontiers. Le saola, c'est différent parce que lui, il a été trouvé, donc c'est un mammifère qui vit dans les forêts à la limite du Laos et du Vietnam. C'est un bovidé qui ressemble un peu à une antilope. Et lui, il a été trouvé au terme d'une enquête vraiment cryptozoologique par des zoologues qui sont partis d'objets, entre autres des cornes qu'on voyait dans des villages reculés des montagnes du Vietnam. Ils sont partis des récits des habitants de ces régions sur cet animal. Et puis finalement, il a été possible d'en obtenir des restes suffisants pour montrer qu'il s'agissait d'une espèce jusque-là totalement inconnue. En revanche, on ne connaissait pas l'état fossile. C'est quelque chose qui tombait du ciel, si on peut dire, de ce point de vue-là. Oui. Mais le saola, c'est tout à fait l'exemple de quelque chose qui a été trouvé à l'issue d'une enquête qu'on peut qualifier de cryptozoologique. Et c'est un animal qui est rare, effectivement, et qui est sans doute assez menacé. On n'en voit pas tous les jours, dirons-nous, et ça pose le problème de sa survie se pose. Comme beaucoup de ces animaux qui sont moins mythologiques que le calamar géant ou le yéti, mais effectivement, on tombe souvent, c'est le cas du saola, c'est le cas de l'okapi, de ces sur des animaux qui sont dont il reste très très peu de spécimens. Et oui, qui sont... oui, parce que là aussi, les sceptiques peuvent retourner ça comme un argument ad hoc en disant ah bah oui, vous expliquez toujours qu'on les trouve pas parce qu'ils sont bords de disparaître, mais il se trouve que un certain nombre d'animaux cryptozoologiques ou trouvés de façon cryptozoologique sont bien au bord de disparaître ou très raréfiés. Il y en a même certains dont on a peut-être conservé le souvenir oral après qu'ils ont disparu en période historique, certains grands lémuriens, Madagascar, etc. Et alors, le Saola est bien sûr un bel exemple d'espèce très très rare, sans doute raréfiée, mais on ne sait même pas combien il y en a, vous en êtes compte, qui a été trouvé par méthode cryptozoologique, hein, cette espèce d'intermédiaire systématique entre la chèvre et l'antilope. Mais il y a eu aussi le deuxième Sélacanthe, parce qu'effectivement, le premier, c'est du pur hasard. Les cryptozoologues aiment bien le citer parce que c'est un argument, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, etc., disent-ils. Mais le deuxième, 50 ans après, en Indonésie, donc très éloigné biogéographiquement du premier, a été trouvé, en fait, grâce aux informations des locaux, hein, par Mark Erdman, un biologiste marin, et son épouse indonésienne, également biologiste. Voilà. Mais c'est vrai que, oui, je pense que quelque part, la cryptozoologie peut être parfois, du moins dans le cas des petits dossiers, des dossiers pas médiatisés, des espèces d'archives concernant les traditions orales relatives à des animaux subfossiles. Donc, comme on dit en zoologie, en paléontologie, des animaux qui certes ont bien disparu, mais en période historique, dont on peut retrouver éventuellement des restes osseux, mais non fossilisés. Donc, le terme subfossile, ils ne sont pas minéralisés. Et après avoir parlé du réel, on va parler des autres animaux, ceux qui appartiennent toujours au domaine du légendaire. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Mokele Membe du groupe Monito, référence à cet animal mythique qui, lui, n'a pas eu la chance, contrairement à ses petits camarades, de sortir du purgatoire épistémologique que définissait tout à l'heure Benoît Grison, puisque nous parlons de cryptozoologie aujourd'hui dans la méthode scientifique. Vous pouvez toujours nous rejoindre et nous suivre en direct comme chaque jour sur Twitter @laméthodefc. Nous sommes donc avec Benoît Grison et Éric Buffetot, tous deux cryptozoologues, biologistes pour l'un, paléontologues pour l'autre. Et puisque nous nous apprêtons à parler des animaux légendaires décrits par la cryptozoologie mais non encore observés, et que, eh bien, c'est aujourd'hui la fête d'Halloween et d'un certain nombre de créatures qui, elles non plus, n'ont pas encore été observées. Nous avons la chance de pouvoir l'observer régulièrement dans ce studio, car lui est bien réel. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et vous allez nous emmener aujourd'hui à la rencontre d'un créateur de chimères. Oui, c'est avec Porcelaine, c'est son pseudonyme, que j'ai découvert que les dragons pouvaient exister. Porcelaine, c'est un paléontologue amateur qui a une passion un peu curieuse. Il crée à partir de squelettes d'animaux bien réels, des squelettes d'animaux n'ayant jamais existé, des chimères. Vous allez l'entendre, tout ou presque est possible avec cette technique de reconstitution de squelettes imaginaires. Et pour fabriquer des chimères, chaque os, même le plus anodin, a un petit rôle à jouer. J'avais un petit rat que j'avais fait tout seul. Et en fait, il suffit de lui coller des ailes de chauve-souris et ça fait un rat volant. Donc, bon, ça fait un pigeon, en fait. Le rat, il est sur la table. Là, il nous regarde. Voilà. J'avais fait un crâne de dragon, alors, avec un bassin de chien. Non, de ragondin. J'avais mangé une tête de saumon, c'est très bon. Sauf que les os sèchent et en fait se déforment, et donc du coup, je les ai collés et j'ai mis pour les dents. Alors ça a l'air impressionnant, mais en fait, c'est juste des dents de sanglier qui sont retournées. Donc c'est la racine des dents qui est très pointue, et donc ça fait ce petit effet-là. Et par contre, je peux pas la mettre droite, donc du coup, ça, parce qu'elle plie sous son propre poids. Ah si, ça tient. Bah tiens, je pensais que ça tenait pas. Voilà, miracle. Pourquoi j'ai voulu faire des chimères, en fait, c'est quand j'avais des crânes abîmés ou des animaux abîmés. Des fois, il m'arrive de dépecer des animaux, donc c'est même arrivé de dépecer un chien, c'est ce que j'ai fait de plus gros. Et par exemple, bah, j'avais dépecé des fouines qui avaient le crâne fracassé. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu dommage de rien faire avec le squelette. Donc, du coup, bah, j'ai eu l'idée de prendre les côtes pour faire des ailes et puis d'essayer de créer, en fait, des chimères. Justement, on parle de chimère. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se définit, une chimère? Alors, une chimère, bon, je vais pas remonter au côté historique, mais bon, c'est des animaux créés dans les mythologies. Alors, pas seulement les mythologies grecques, mais c'est ceux qui sont les plus connus. Alors, par exemple, il y a les sirènes. Alors, les sirènes, au départ, c'était des oiseaux. C'était pas des femmes poissons. Et, en fait, c'était des animaux qui sont le mix entre plusieurs animaux. Alors, des fois, c'est deux animaux, des fois c'est beaucoup, comme le sphinx ou le griffon, qui est un mélange d'aigle, de lion et de femme. Et ben là, c'est mon côté un peu naturaliste qui parle. C'est pas un animal qui peut vivre, en fait. C'est un animal qui, techniquement, n'est pas adapté à son milieu. Et en fait, ben, une chimère, c'est un peu ça. Pourquoi vous êtes intéressé à la fabrication de chimères? Quel est le point de départ de tout ça? Ben, en fait, j'ai eu cette déception quand je trouvais certains crânes abîmés. Ben, j'ai voulu, en fait, leur donner une deuxième vie. Et une fois, j'avais un crâne de ragondin, l'arrière était cassé. Donc, j'avais l'avant et je sais pas pourquoi. J'avais trouvé un bréchet de mouette aussi. Donc, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et j'ai eu l'idée, je lui ai dit, si je colle les deux, ça fait le corps de l'araignée. Mais par contre, il me fallait les pattes pour l'araignée. Ce que j'ai fait, c'est tout simple, c'est que pour avoir des os, on en a dans le commerce. Il suffit de pas être végétarien et de manger du poulet. Et en fait, avec ça, on peut avoir, on peut créer des pattes. Donc du coup, avec une tête de ragondin, un bassin de mouette, pas un bréchet de mouette, un bassin de mouette, et des pattes de poulet, j'ai créé une grosse araignée, plus grosse qu'une araignée actuelle. Et donc du coup, j'ai créé un squelette d'araignée, quoi, ce qui n'existe pas du tout. Comment est-ce que vous avez appris à en fabriquer des chimères? Alors, je suis agent d'accueil au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, j'ai beaucoup de contacts avec les paléontologues, les taxidermistes. En fait, je peux aller les voir et donc, ils m'ont donné beaucoup de conseils. Et en fait, ils m'ont expliqué tout simplement que pour coller des os, il suffit d'avoir de la colle superglue. Ce que je fais, c'est que je mets tout à plat au sol. Et du coup, par exemple, si je fais un dragon, ça m'arrive de temps en temps. Pour le plus gros dragon que j'ai fait, qui faisait 1 mètre, j'avais un crâne de loutre, j'avais des vertèbres de ragondin, de loutre. J'ai tout mis au sol. J'ai regardé tout ce que j'avais en os très long pour pouvoir faire les ailes à la façon des chauves-souris. Et j'ai tout plaqué par terre. On réordonne ce qu'on a et en fait, au lieu de découvrir quelque chose, on le crée. Il y a des chimères qui sont avec de la peau, avec des plumes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de les faire uniquement en os? Parce que je fais ça chez moi et que la taxidermie à la maison, c'est un peu compliqué. Ça sent pas toujours très bon. Déjà, quand on nettoie les os, ça sent pas toujours très bon. Mais là, si je commence à m'attaquer à la peau, déjà, il faut que j'apprenne à le faire. Et non, ça, c'est des problèmes d'odeur. Et moi, comme je suis un passionné de paléontologie, c'est vraiment le squelette qui m'intéresse. Est-ce que vous avez des os préférés, des animaux préférés pour fabriquer vos chimères, et où est-ce que vous les trouvez? Les brocantes sont étonnantes, on trouve plein de choses dans les brocantes. Sinon, comme je vous dis, je produis mes propres os en mangeant des cuisses de grenouille ou du poulet. Donc du coup, j'ai vraiment varié les sauces pour avoir un peu plus de plaisir. Et puis les poissonneries aussi, ça marche bien. En fait, faut avoir des notions d'anatomie, il faut juste visualiser un animal réel, comment le faire à partir d'os, et après ça vient très très vite. Et ce gros crâne là qui est ici, c'est quoi? Ça, c'est un crâne de smilodon, en fait, c'est le petit gras dent de sabre. Donc c'est le fameux Diego de l'âge de glace. Et en fait, moi je me dis tout simplement que les chimères, elles existent. C'est juste qu'elles sont jamais à la bonne période. C'est-à-dire que les animaux actuels sont les chimères des animaux du futur. Et les animaux du passé sont nos chimères. Et par exemple, un tigre à dents de sabre, c'est un félin avec des dents de morse. Enfin, ça n'a pas la même utilité, mais en termes de visuel, ça donne ça. Et quand on prend un crocodile, ben, un crocodile, c'est un animal semi-aquatique. Ça fait penser aux ancêtres tétrapodes, les temnospondyles, qui étaient des grandes salamandres, enfin, entre guillemets, des grandes salamandres géantes, qui vivaient à la façon des crocodiles, mais qui étaient des amphibiens. Et les chauves-souris, c'est un peu la chimère entre oiseaux et mammifères. Donc, en fait. L'ornithorynque. L'ornithorynque, voilà. Il y a ce côté, c'est un mammifère qui pond des œufs, qui a une queue de castor, qui a un bec de canard. D'ailleurs, on pensait à un canular quand on l'a découvert. Il a été découpé et en fait, il s'est rendu compte que non, c'était un vrai animal qui avait été envoyé depuis l'Australie. Donc en fait, les animaux du futur sont un peu nos chimères à nous et les animaux du passé sont aussi nos chimères. Et les animaux du présent sont les chimères du futur ou du passé. Ouais. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp. Alors si les animaux du futur sont nos chimères ou si les chimères du passé sont nos animaux du présent, que sont les animaux qui sont encore dans ce que vous définissez, Benoît Grison, comme le purgatoire épistémologique, ces animaux dont on a entendu parler, mais dont personne n'a réussi à attester l'existence? Il y a le Mokelebembe, il y a le Bigfoot. Le Yeti, en bonne partie, même si on sait qu'une partie du dossier du Yeti, je le disais tout à l'heure, est associée à l'ours bleu de l'Himalaya. Bon. Le Loch Ness, on peut l'oublier parce que phénomène de réfraction atmosphérique, phénomène de vagues sans vent, quelques phoques aussi qui de temps en temps rentrent dans le Loch. Donc à ce niveau-là, c'est infirmé. Ça, on est sûr qu'il n'y a pas de monstre, voilà, dans le Loch Ness. Mais le grand trio actuel des êtres en purgatoire, c'est Mokelebembe, dont on parlait tout à l'heure, hein, ce monstre amphibie d'Afrique centrale. Également le Bigfoot, ou Sasquatch, et l'Yeti. Pour moi, c'est un peu... voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'un des grands chapitres de votre livre, Benoît Grison, du Yeti au calmar géant. Vous mettez un peu dans le même sac le Yeti, les hommes sauvages, les primates controversés. Il y a une sorte... Moi, ce que j'aime bien, c'est cette espèce d'universalité ethnologique des croyances humaines que vous montrez là-dedans. Oui, il y a un mythe qui est universel, qu'on trouve partout, c'est celui de l'homme sauvage. C'est jamais que l'expression de l'ethnocentrisme de toutes les populations. Les autres sont des sauvages, mais parfois, on va jusqu'à concevoir l'autre comme quasiment animal, couvert de poils, proche du singe, etc. Bien. Alors après, là aussi, on parlait tout à l'heure du fait que parler de zone inaccessible, c'est pas forcément un argument ad hoc pour la cryptozoologie. Mais de la même façon, parler de l'universalité du mythe de l'homme sauvage, c'est pas forcément une affirmation des témoignages sur le Yeti, voire sur le Bigfoot, parce que l'orang-outan, le gorille de montagne, étaient décrits comme des hommes sauvages par les populations locales africaines ou indonésiennes dans le cas de l'orang-outan, avant qu'on les découvre. D'ailleurs, orang-outan, en malais, ça veut dire homme sauvage, hein, ou homme des bois. Voilà. Ouais. Et il y a un certain nombre de désignations du chimpanzé, du gorille dans des langues africaines qui renvoient à la même chose. Donc, il faut se méfier parce que c'est un mythe qu'on trouve partout. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup, beaucoup trop de rumeurs ou de témoignages sur des primates inconnus dans le monde entier, y compris en Amérique du Sud où il y aurait des grands singes d'après les témoignages alors qu'il n'y en a pas. Mais c'est pas non plus quelque chose de rédhibitoire. Parce que l'homme sauvage étant une catégorie universelle de l'esprit humain, vous avez des gens, quand ils observent un primate qu'ils n'arrivent pas à identifier, qu'ils l'appelleront comme ça. Voilà. Tout comme autrefois, les gens y croisaient sur un bateau à faible distance un grand animal allongé, tout de suite, ils disaient serpent de mer. Mmh. Ça ne voulait rien dire, mais l'esprit humain aime bien mettre un nom, ça rassure. Et ce, quelle que soit la culture, et c'est ça qui est assez captivant, oui, dans votre livre. Ce qui est intéressant, c'est que s'il y a bien, pour le coup, quelque chose sur lequel vous êtes d'accord avec vos collègues de zoologie, c'est qu'il reste encore, sur Terre, des animaux à découvrir. Là où vous êtes moins d'accord, c'est que vous dites qu'il reste encore des grands animaux à découvrir, et pour la zoologie, bon, bah, l'essentiel des animaux qu'on découvre, c'est quand même essentiellement des petits animaux, des insectes, Éric Buffeteau. Oui, on décrit chaque année plusieurs milliers de nouvelles espèces d'animaux. Hein, ça, ces derniers temps, c'est dans de l'ordre des 15 000, 16 000 nouvelles espèces par an. Mais pour essentiel, effectivement, ce sont des petits animaux très peu spectaculaires. Ça va être des insectes, des divers invertébrés, éventuellement des petits poissons. La question, bien sûr, c'est celle des grands animaux que, normalement, en théorie, on devrait connaître depuis longtemps parce que ils sont visibles et ils ne devraient pas passer inaperçus. Et c'est là-dessus que porte le questionnement de la cryptozoologie, essentiellement. Hein. C'est pas sur... la prochaine découverte d'une nouvelle espèce de fourmi. Mais la question de la cryptozoologie résout passionnante pour les entomologistes. Ah oui. Ah non, mais ça, je ne mets aucunement en doute l'intérêt de découvrir une nouvelle espèce de fourmi, bien au contraire. Oui. Benoît Gazon, oui. Oui, les fourmis, puisqu'on en parle, c'est 10% de la biomasse, tellement c'est un succès évolutif. Et puis 50% de la biodiversité est constituée d'insectes, essentiellement des coléoptères, des hyménoptères, fourmis, guêpes, abeilles, etc. Ok. Mais une fois qu'on passe à la cryptozoologie, on s'aperçoit très bien, comme le soulignait Eric, que la plupart du temps, il est question de vertébrés, quelques exceptions près, et des vertébrés de grande taille. Et que il y a que environ 100 à 150 dossiers sérieux de cryptozoologie. Ça veut dire que l'enjeu est autre que la description de la biodiversité classique, puisque la plupart du temps, les nouvelles découvertes, ce sont des découvertes d'invertébrés, mais l'enjeu est de savoir jusqu'à quel point on peut se fier au savoir traditionnel, indigène, autochtone, pour décrire quelques nouvelles grandes espèces possibles de grande taille. Parce que quand vous dites quand vous dites par exemple que l'homme sauvage, enfin le Sasquatch, est le Bigfoot est encore dans le purgatoire épistémologique, ça veut dire que vous n'excluez pas tout à fait qu'un jour on en trouve un? À titre personnel, je suis extrêmement sceptique. mais je vais vous dire, mais je vais pas biaiser. Hein. Je vais vous dire simplement la chose suivante, c'est qu'on a quelques anatomistes sérieux, dont Jeff Meldrum, qui persiste à analyser les empreintes aux États-Unis. Et Jeff Meldrum n'est pas n'importe qui, c'est un des meilleurs spécialistes d'anatomie du pied, d'anatomie comparée du pied. Et il dit, bon, voilà, il y a 10% de canulars, alors c'est ridicule. Mmh. Et puis le reste, c'est cohérent, ça suit même une distribution normale, on trouve même des crêtes digitales, des dermatoglyphes dessus, puis surtout c'est cohérent biomécaniquement. Seulement, la plupart des collègues, et moi j'aurais tendance à avoir cette attitude-là, lui disent, oui d'accord, mais le temps passe, ça fait des décennies. Certes, les témoignages sérieux de Bigfoot sont cantonnés, contrairement à ce qu'on pense, non pas dans tous les États-Unis, mais sur la côte ouest, dans les forêts de l'Oregon, de l'État de Washington et du nord de la Californie, où il y a très peu de population humaine. Mais néanmoins, maintenant, il y a plein de chasseurs, il y a plein de gens avec des lunettes infrarouges. Comment ça se fait qu'on ne le trouve pas, disent les collègues à Meldrum, qui d'ailleurs ne dit pas qu'il croit au Bigfoot. Il dit simplement que mes études anatomiques me conduisent à continuer à chercher. Ce qui m'amène à cette question, comment continuer aujourd'hui à faire de la cryptozoologie dans un univers, en tout cas limité, qu'on connaît tout de même de mieux en mieux, ces coins reculés où la main de l'homme n'a jamais mis le pied, comme on a tendance à dire, existent de moins en moins, on les connaît, on peut les cartographier, les satellites sont d'une précision extrême, donc votre marge de manœuvre, elle devient quand même extrêmement restreinte, Éric Buffetot. Ah, il n'existe plus vraiment de régions inexplorées sur Terre, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, c'est sûr que les gens qui vont chercher le Mokele Mbembe dans des marais... en Afrique centrale, c'est pas les endroits qui sont faciles d'accès. Ça, il faut bien le reconnaître. Mais il n'y a plus vraiment de nos jours de régions totalement inexplorées. Ça, c'est fini. Donc, effectivement, ça pose un problème. D'un autre côté, il y a des animaux qui sont discrets, qui ne se montrent pas si facilement que ça, qu'on voit pas tous les jours. Et même dans nos régions, si vous voyez, quand on se promène en forêt, on voit rarement des sangliers. Et des sangliers, ça grouille dans toutes les forêts françaises. Donc, il y a cet aspect-là à prendre en compte. Un animal peut habiter dans une région qui est connue et pour autant ne pas être extrêmement visible. Maintenant, je rejoins tout à fait ce que disait Benoît, le Bigfoot ou le Sasquatch, depuis des dizaines d'années qu'on en parle, dans des endroits comme les États-Unis où on a gâchette facile tout de même, c'est bien étonnant que personne ne soit pas revenu avec un cadavre de Sasquatch dans son pick-up. Hein. Oui, et alors, effectivement, il n'y a plus de zone inconnue en tant que telle, la cartographie satellite est là, etc. Alors après, il se pose deux problèmes. C'est certaines zones qui sont cartographiées de manière aérienne, mais dans lesquelles il n'est pas facile d'aller. On ne peut pas utiliser des véhicules conventionnels. Bon, on prend à propos du Mokele Mbembe l'endroit où Michel Ballot, qui est le chercheur sérieux, qui actuellement le cherche, même s'il est agnostique, hein, il n'est pas sûr qu'il existe, eh bien, dans le parc naturel de l'Amérique. Je vous interromps tout de même là. Oui. On parle d'agnostique en matière de cryptozoologie. C'est intéressant. C'est intéressant. Comme bah terme. Oui, parce que vous discutez avec Michel Ballot, il dit, je pense que c'est rationnel de dire qu'il est probable qu'il existe. Mais primo, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je ne sais pas ce que c'est. C'est certainement pas un dinosaure, mais je ne sais pas quel type de mammifère ou de reptile ça pourrait être. Et deuxièmement, quand je n'aurais plus des bonnes raisons en termes de témoignages récents, éventuellement d'empreintes ambiguës de le chercher, j'arrêterai. Bon, c'est une dimension raisonnable. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est que Ballot le cherche dans un endroit qui est difficile d'accès, uniquement par pirogue, et qui n'a pas été visité par des naturalistes depuis la période de la guerre 1914-1918, quand les Allemands étaient là, au Cameroun. Voilà. Donc, effectivement, que tout soit bien cartographié, oui. Que beaucoup de choses soient très connues, oui, mais il reste des zones qui sont difficiles d'accès, ce qui, pour l'inventaire de la biodiversité, pose problème. Et le deuxième type d'argument, c'est l'argument éthologique, c'est-à-dire qu'effectivement, comme le disait Eric, beaucoup d'animaux peuvent avoir un comportement, surtout quand il s'agit de vertébrés, extrêmement intelligent pour se cacher et pour échapper à des personnes qui sont déjà dans des environnements, ils ont du mal à accéder. C'est-à-dire, vous arrivez sur certains plateaux de Nouvelle-Guinée où ils ont décrit des choses extraordinaires, notamment un rat géant de la taille d'un chien de taille moyenne, etc. Vous faites un bruit énorme parce que vous arrivez en hélico, vous arrivez avec des moyens techniques lourds, et vous avez déjà beaucoup de mal à vous poser pour que la faune commence à se montrer. Bon, voilà, donc il y a un aspect éthologique aussi. Allez, il nous reste quelques minutes pour conclure cette émission. Je vais vous poser cette question à l'un et à l'autre. Quelle est, pour chacun d'entre vous, l'espèce que vous rêveriez de voir rejoindre les pages d'un manuel de zoologie, Eric Buffetot? Ah, cette question difficile, j'avoue que le Mokele Mbembe, effectivement, c'est à mon avis, la question reste complètement ouverte. C'est, comme le disait Benoît, je ne pense pas que ce soit un dinosaure, parce que il correspond vaguement à l'idée qu'on se faisait des dinosaures il y a 50 ans, et plus du tout à celle qu'on s'en fait aujourd'hui. Mais néanmoins, il y a tout de même des témoignages, des récits, des choses qui permettent de penser qu'il y a peut-être un animal inconnu dans ces régions d'Afrique, et c'est là aussi un endroit qui est peu accessible, et c'est le genre d'endroit où on peut se dire on ne connaît pas encore toute la faune, ou pas nécessairement toute la faune. Moi, ce serait l'Orang Pendek, qui est un grand singe problématique qui est décrit en Indonésie, notamment à Sumatra, et sur la trace duquel est Deborah Martyr, qui est une grande biologiste de la conservation, qui est spécialisée dans la protection du tigre de Sumatra, et qui, elle, y croit tout simplement parce que les mêmes informateurs qui l'ont renseigné sur des espèces en voie de disparition ont vu l'Orang Pendek. Et c'est un animal qui est prosaïque, on n'est pas dans le cas d'un homme sauvage extravagant, il est décrit comme une sorte de cousin de l'orang-outan. Donc ça serait fascinant de le trouver avant que la forêt indonésienne disparaisse. Et alors, une toute dernière question. On a vu aussi, quand on cherche, ressurgir le spectre. Et alors là, ça rejoint toutes les fantasmatiques de la société occidentale, du mégalodon, du grand requin géant qui vivrait, préhistorique, qui vivrait dans les océans profonds. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, on peut le récuser, et je sais que Eric ne me contredira pas sur ce point, puisque c'était un animal qui a disparu il n'y a pas si longtemps. Tant que ça, effectivement, à la fin du Pléistocène, donc c'est tout récent quand même, d'un point de vue paléontologique, mais qui adorait les eaux chaudes et côtières, et qui se montrait à la surface tout le temps. Donc on devrait en voir partout, des carcharodons, mégalodons, et on n'en voit pas. Ou de temps en temps, on croise des requins-baleines qu'on confond avec des carcharodons, mégalodons. Voilà. Eric Buffetot, pour conclure en un mot. Je pense qu'il relève beaucoup du fantasme, effectivement, parce que le requin géant, c'est devenu une sorte de mythe, d'abord cinématographique, et ensuite mythe tout court de la société moderne. Eh bien, on peut revoir tous les films de requins géants qui existent au monde en cette journée d'Halloween. Mille merci à vous deux, Benoît Grison et Eric Buffetot, d'être venus. Je rappelle vos deux livres, Eric Buffetot, à la recherche des animaux mystérieux, idées reçues sur la cryptozoologie, aux éditions du Cavalier Bleu, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie du Yeti au calmar géant, aux éditions de Lachaud et Niel. Pour Benoît Grison, de livres absolument passionnants que je conseille à tous nos auditeurs. Si vous voulez aller plus loin, allez également voir sur le site franceculture.fr un dossier complet concocté par l'équipe du web sur la cryptozoologie par Pierre Repère. Et puis un petit mot aussi pour dire que si vous avez apprécié les chimères de notre ami Porcelaine, on mettra le lien pour vers toutes ses œuvres sur le site de la méthode scientifique, toujours sur franceculture.fr. Mille merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mathieu Lefrançois, Elisabeth Miro à la réalisation, Jean-Richard Dufour à la technique.